cerise sur le vif. Écoutez. Oh, la poisse! Le pneu de ma mobylette est crevé. Et dire que je vais à une surboom ce soir, qu'est-ce que je peux faire? T'en fais pas, c'est pas long à réparer. Ah oui, mais le garagiste est fermé, comme par hasard. C'est pas une affaire, tu feras du stop. C'est bien le diable si un mec ne s'arrête pas. Répétez. Oh, la poisse! Le pneu de ma mobylette est crevé. Et dire que je vais à une surboom ce soir, qu'est-ce que je peux faire? T'en fais pas, c'est pas long à réparer. Ah oui, mais le garagiste est fermé, comme par hasard. C'est pas une affaire, tu feras du stop. C'est bien le diable si un mec ne s'arrête pas. Écoutez. Je ne sais plus quoi faire. Ce gosse est de plus en plus casse-cou, de plus en plus insupportable. Si je m'écoutais, je le mettrais en pension. Et si vous en parliez au psychologue scolaire, il pourrait peut-être vous aider. Il sait très bien s'y prendre avec les enfants. De toute manière, il a l'habitude de ce genre de problème. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Si je téléphone au secrétariat, vous croyez que j'aurai un rendez-vous rapidement? Vraisemblablement. Répétez. Je ne sais plus quoi faire. Ce gosse est de plus en plus casse-cou, de plus en plus insupportable. Si je m'écoutais, je le mettrais en pension. Et si vous en parliez au psychologue scolaire? Il pourrait peut-être vous aider. Il sait très bien s'y prendre avec les enfants. De toute manière, il a l'habitude de ce genre de problème. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Si je téléphone au secrétariat, vous croyez que j'aurai un rendez-vous rapidement? Vraisemblablement.